On va parler de la Ligue de hockey junior régional, midget régional, pardon, avec l'instructeur-chef Michael Gaudreau. Salut, Michael. Salut. Michael, en fin de semaine passée, il y avait deux matchs pour votre formation. Deux ou trois matchs, je pense que c'est trois, hein, c'est ça? C'était deux matchs, OK. Donc, oui, donc ça s'est soldé par, d'abord, vous jouez samedi dernier, c'était contre les Orioles de Jonquière dans un fameux traditionnel programme double. Et dans le premier match, une belle victoire de 2-1. Ouais, une belle victoire, c'est le cas de le dire. Je pense que c'est notre meilleur match là qu'on a joué cette année, point de vue stratégie, là, ce qu'on voulait amener, certaines petites technicalités qu'on avait pratiquées. Les gars ont super bien répondu. Fait que ça s'est soldé par une victoire de 2-1. Puis ils n'ont pas eu grand chance de marquer dans ce match-là. Là. C'était quand même assez solide. OK, donc on se donne, j'imagine, plus de. On veut fermer le jeu, bien travailler sans la rondelle, quoi? C'est exactement ça. C'est ton travail sans la rondelle, t'es constamment. Faut que tu saches c'est quoi ta job quand t'as rondelle, quand t'as pas rondelle, puis dans quelle des trois zones que t'es. Fait qu'on avait parlé beaucoup de ça la semaine passée. Les gars, ils ont capté ça là, assez rapidement. Fait que je suis content de voir la progression de ce côté-là. OK. Et dans le deuxième match, c'est soldé cette fois par une défaite. Ouais, c'est ça, une défaite de 4-2 avec un filet désert. Ouais. C'est un bon match qu'on a joué. Je pense qu'on a dominé ce match-là, point de vue lancé. Ils ont le gardien les a sauvés ce match-là. Il n'y avait pas grand trace de patin dans notre territoire en troisième. On n'a pas été capable de capitaliser, mais c'est encore un excellent match pour nous autres. Là. Je voyais que du positif là-dedans là, en fin de semaine. Je vois pas bien de négatif de la part de mes kids. OK. Donc, c'est Julien Paquette et Benjamin Lapointe qui ont marqué les buts pour votre formation. Là, en fin de semaine, c'est quoi au programme? Nous autres, on n'a pas rien. Le prochain match, c'est 17 décembre. Oh, OK, 17 décembre. Est-ce que vous aviez des tournois? Est-ce que... Oui, on a deux tournois en janvier, un à Rivière-du-Loup puis le tournoi d'Alma. OK. Puis il nous reste 6 parties à jouer. Fait que dans la ligue, je pense que c'est nous qui avons le plus de parties de jouer. Fait qu'on va avoir des bons temps morts là, après fête. C'est un peu désolant. Ça casse le beat. Mais on va s'organiser pour rester les joueurs actifs. Là, c'est vraiment plate, ça, hein? Ouais, c'est des horaires complètement fous comme ça, là. C'est un gros début de saison. On a un mois et demi de jouer, puis on a 21 parties de jouer. Ouais. Puis là, il va y avoir un gros break. Peut-être servir de bord pour faire des modifications que tu joues là, sur la prochaine fin de semaine. OK. Donc, évidemment, là, trois semaines de temps d'arrêt. Donc, ce sera pas tout repos. Ben, Michael, on se reparle le 17 décembre, après le 17 décembre. Ouais, pas trop. L'instructeur-chef des ambassadeurs de Chicoutimi, Michael.